à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Hockey Ciné. Je suis toujours bien accompagné d'Aurore. Bonjour Aurore. Bonjour. Comment vas-tu ? Bien et toi ? Eh ben écoute, très bien quand il s'agit de parler de cinéma. Alors, comme à notre habitude, on va vous parler de notre coup de cœur cinématographique du moment. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un film français. Ça faisait un petit moment, je crois, qu'on n'avait pas mis en avant un film français. Ouais, c'est possible. On parle beaucoup de films étrangers. Oui, oui, bah en même temps. Voilà, hein, c'est normal, il y en a beaucoup. Hein, entre les comédies françaises oui. Et les blockbusters, on fait vite le tri. C'est ça, exactement. Mais là, voilà, on est sur une comédie dramatique avec donc une première réalisation d'Enya Barrault avec le film On ira, qui raconte donc l'histoire de Marie, 80 ans, qui en a ras-le-bol de sa maladie. Elle a un plan, partir en Suisse pour mettre fin à ses jours. Mais au moment de l'annoncer à Bruno, son fils irresponsable, et Anna, sa petite fille en crise d'ado, elle panique et invente un énorme mensonge. Prétextant un mystérieux héritage à aller chercher dans une banque suisse, elle leur propose de faire un voyage tous ensemble. Complice involontaire de toute cette mascarade, Rudy, un auxiliaire de vie tout juste rencontré la veille, va prendre le volant du vieux camping-car familial et conduire cette famille dans un voyage inattendu. Donc là, on est sur clairement le road movie par excellence à la française. Alors, avant que j'en parle, Aurore, qu'en as-tu pensé ? Eh ben, c'était intéressant. Alors, on a souvent des films comme ça sur ce sujet-là, sur la fin de vie. Hein. Ça questionne énormément. Ça revient souvent sur la scène politique. Voilà, est-ce qu'on a le droit de mourir en toute dignité ? C'est clairement la question abordée dans le film. C'est aussi le genre de film dramatique, voilà, un peu cliché avec le père irresponsable et la fille en pleine crise d'ado qui est un peu plus responsable et plus intelligente que le père. C'était très intéressant et de voir toutes ces questions-là. Et même si on a l'impression que c'était un peu du revu des sujets qu'on connaît déjà très bien, je trouve qu'ils arrivent quand même à bien passer l'émotion sur le film et à poser quand même les bonnes questions. Oui. Oui, c'est un film qui fait réfléchir, qui aborde un sujet qui n'est pas facile. Hein. Oui. Tu l'as dit, le sujet de la fin de vie, bon, il a déjà été abordé dans d'autres films. J'ai le souvenir d'un film avec André Dussolier et Sophie Marceau de François Ozon. Mm. Tout ira bien, je crois, c'était le titre. Oui. Bon, beaucoup plus lourd dramatiquement. Là, vraiment, on n'a pas l'impression que le film, entre guillemets, va mal se terminer, même si tu le sais d'avance. Puisque bon, tu sais que l'actrice principale, donc jouée par Hélène Vincent, voilà, souhaite mourir. Mais c'est vrai que plus le film avance, plus t'as entre guillemets cet espoir et la façon dont c'est amené. C'est vrai que bon, tu t'attends, voilà, en effet, à une fin dramatique, mais peut-être que tu peux te dire, allez, il va peut-être pas y avoir pas un happy end, mais fin. J'ai eu peur dramatique. Justement, ouais. J'ai eu peur que ce soit ça, qu'en fait elle revienne sur sa décision. C'est ça. Ouais, oui. J'avais qu'une envie, c'est que ce soit pas le cas. Heureusement que non, parce que sinon, y aurait eu aucun intérêt au film. Oui, en fait, tout le c'est film sûr. aurait perdu son intérêt. Mais du coup, ça ressemble à la chambre d'à côté qu'on avait fait. Oui, c'est vrai. Devoir. Oui, oui, oui. Un petit peu moins brusque quand même. C'est beaucoup, beaucoup plus léger. Oui. Apporté de façon beaucoup plus légère et beaucoup moins dramatique. Aussi beaucoup moins cinématographique. Ah oui, oui, oui. Voilà. Mais oui, on arrive à rire quand même, à pleurer, hein, évidemment, forcément. Il y avait quand même dans la façon du père dans les trois personnages, les trois ont la partie déni et on les voit évoluer à chaque étape et se rendre compte en fait de ce qui se passe et je trouve le rôle de Rudy de témoin et il explique en fait tout au long du film, voilà, au début forcément il est dans le déni et il trouve ça totalement absurde. Et au fur et à mesure du film, en fait, il est là vraiment pour... il accompagne même plus, en fait, Marie qui a pris sa décision. Il accompagne vraiment la famille dans ce chemin-là. Et du coup, c'est assez intéressant de voir le message que l'auxiliaire de vie, c'est pas seulement pour le patient premier, c'est aussi pour tout l'accompagnement de la famille. Et c'est exactement ce que fait Rudy. Ah oui, c'est l'acteur, donc c'est Pierre Lottin, qui cartonne en ce moment, hein, on le voit énormément. Il a cartonné dans En Fanfare, avec Benjamin Laverne. Et il avait également joué avec Hélène Vincent dans Quand vient l'automne, hein, le dernier François Ozon. C'est marrant d'ailleurs de les retrouver, Pierre Lottin et Hélène Vincent, pareil, dans un drame. Hein, mais en effet, je suis d'accord avec toi, ce passeur finalement, Pierre Lottin, qui navigue entre voilà son patient premier et l'entourage familial. C'est peut-être même tout aussi compliqué finalement d'accompagner la famille que le patient lui-même, parce que comme tu l'as souligné, le patient, il est déterminé, il sait ce qu'il veut. Oui. Bon, pour lui, il y a pas de débat. Mais par contre, pour la famille, bah voilà, c'est beaucoup plus difficile finalement d'en parler autour de soi que de se convaincre soi-même. Donc c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est bien amené, c'est solaire comme film. Enfin vraiment, on passe un très bon moment. C'est bizarre à dire parce que c'est un bon moment, mais en même temps le sujet est grave. Mais c'est amené d'une très belle façon. Je trouve que pour une première réalisation, franchement, j'attends de voir la suite parce que certes, tu l'as dit, bon. C'est assez balisé, voilà, il y a quelques petits clichés, voilà. Il y a des choses à tenir et qu'on ne veut pas rentrer, il rentre quand même pas trop dans le sujet. Non. On sent, ne serait-ce que sur la fin, voilà, c'est énuméré, on la voit en voix off et puis point barre. Quoi. Oui. On sent que c'est qu'on ne veut pas rentrer dans le sujet, on veut dénoncer quelque chose, mais sans aller trop loin, quand même. On reste en surface beaucoup. On laisse un peu le spectateur en suspens et on le laisse quand même se questionner sur qu'est-ce qu'on ferait à la place de chacun en fait, des quatre personnages principaux, mais on reste, je trouve, peut-être un peu trop en sommaire. Bah c'est vrai que c'est toujours difficile avec ce type de sujet et surtout ce type de film, parce que bon, ça reste quand même un film grand public malgré tout. Je pense que qu'on soit jeune ou plus âgé, en fait, voilà, clairement le film convient à tout le monde. Et c'est ça peut-être qui est intéressant aussi, c'est que du coup, bah quand on est enfant ou quand on est adulte ou plus âgé, bon, c'est aussi comment parler à tout le monde. C'est pas toujours facile, hein, aussi. Hein. Effectivement, et puis en fonction de, c'est pour ça que du coup tous les personnages sont présents, enfin les quatre personnages avec des tranches d'âge différents, c'est que chacun a son point de vue. On se rend compte qu'en fait, au fur et à mesure de, à chaque époque de notre vie, à chaque moment clé de notre vie, on va forcément avoir une idée différente en fonction de son parcours, etc. Marie, elle avait déjà été, c'est une récidive, elle avait déjà été malade, elle sait déjà ce qu'elle a subi, et donc du coup elle sait qu'elle veut pas recommencer, alors que son fils lui voit que elle l'avait eu, mais que du coup elle s'était déjà battue, donc elle était déjà guérie, on va dire, même si on guérit pas vraiment, mais elle l'était déjà, et donc du coup elle voulait qu'elle se batte, alors que voilà, c'est de voir sur les différents moments de sa vie, avoir la force de se battre au fur et à mesure. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans chaque personnage représente un peu une étape d'une vie qui permet du coup d'englober effectivement tous les spectateurs pour qu'ils puissent chacun s'identifier à un personnage et du coup se poser les questions de se dire est-ce que moi je me les poserais comme ça ou pas, ou à quel personnage m'identifier. Oui, c'est vrai que pour ça c'est très bien fait pour le coup l'humour fonctionne bien. Parce que toujours, c'est vrai dans que situation, un peu, pas trop le choix. Oui, voilà, il en faut même de l'humour. Alors c'est vrai qu'on aurait pu tomber dans le lourdingue, le pathos, mais là pas du tout. C'est vraiment amené d'une très bonne façon, et je pense que le casting y est pour beaucoup aussi. Hein, on va pas se le cacher. Pierre Lottin, David Ayala qu'on avait vu plus récemment dans Miséricorde aussi. Juliette Gasquet, jeune actrice que je ne connaissais pas et que je découvre. J'ai lu également, du coup, Enya Barou étant la fille de l'acteur-réalisateur Olivier Barou, à la base, il devait y avoir Cadmérade dans le film. Et je me dis que c'est pas plus mal, finalement, qu'il n'y ait pas eu, entre guillemets, un énorme tête d'affiche, parce que, Cadmérade, il est connu de tout le monde. Le fait d'amener comme ça des acteurs un peu moins connus, nouvellement en vogue, etc., ça permet aussi un certain équilibre, je pense, dans le film. Et du coup, chaque acteur a sa place. Ils ne se mangent pas entre eux, bien au contraire. Et ça permet, voilà, d'amener une histoire de famille à la fois grave, mais aussi drôle. Et en fait, on s'identifie très facilement. Oui, effectivement. Donc, je me suis posé la question. Enfin, je me suis fait la remarque, en fait, pendant le film, où je me dis, mais à part, Pierre Lottin, qui est connu... voilà, qu'on connaît, qui a été connu grâce aux Tuches. Hein. Et je me suis dit, effectivement, c'était des acteurs qu'on connaissait très peu, qu'on avait très peu vus, enfin, en tout cas moi personnellement. Et du coup, c'est ça, on n'a pas ce côté... si on aurait eu Kadmerad, on aurait eu l'impression d'avoir Kadmerad en face de nous. Et donc, on n'a pas... On perdrait ce côté émotionnel qu'on a. Et d'avoir l'impression d'être vraiment dans une famille. On est vraiment plongé dans une famille, en fait. Voilà, trois personnages, trois générations différentes. Et je pense qu'on aurait eu Kadmerad, ça aurait été un petit peu différent et on aurait un peu perdu de cette émotion-là. Et en père irresponsable, je pense que ça aurait été un petit peu trop attendu, trop vu. Je suis d'accord avec toi. Donc, nous ne pouvons que vous encourager à aller voir On ira. C'est un film qui convient à tout le monde. C'est très plaisant à regarder. C'est intéressant parce que le sujet est grave et est très d'actualité, hein, comme tu l'as dit, avec voilà la chambre d'à côté et d'autres films. C'est un sujet en vogue, mais c'est, voilà, cette fois-ci, il est amené voilà d'une autre façon. Et je pense qu'il convaincra vraiment tout le monde. C'est un film solaire. Moi personnellement, c'est un film que je reverrai avec grand plaisir, puisque on passe un excellent moment avec donc le film On ira d'Enya Barou. Comme dans chaque épisode, donc Aurore a déniché un fait surprenant, étonnant, voilà, dans un film live action ou d'animation. Alors cette fois-ci, tu vas nous parler de quoi? De Ratatouille. Ah bah oui, Ratatouille. Donc, forcément, un classique de Pixar. Grand classique. Oui. Principal problème dans l'animation, c'est que ce soit réaliste. Mieux. Ratatouille, c'est le premier film, un des premiers films de Pixar où ils devaient animer de la nourriture gastronomique. Sauf que le problème, on a déjà eu le problème, notamment avec Réponse, avec les cheveux. Il faut qu'ils paraissent organiques, souples, etc. Et ça, pour les ordinateurs, c'est extrêmement compliqué. Tout ce qui est gestes, mécanique, tout ça, il n'y a pas de souci. Un ordinateur peut très bien le gérer. Mais tout ce qui est souple, organique, on a beaucoup de mal à l'animer. Et donc, du coup, étant donné que Ratatouille, le sujet principal, c'est la nourriture, quand même que ce soit le plus réaliste possible, parce que bon, si on voit tout qui est dur, qui est très robotique, ça peut un peu surprendre. Et donc, ils ont choisi, il y a plus de 150 personnes de l'équipe d'animation qui ont en fait pris des cours culinaires pour apprendre en fait à voir analyser le mouvement des différents légumes, nourriture, sauce, etc. pour les voir, pour apprendre à cuisiner, apprendre à les manier, etc. Et du coup pour pouvoir retransmettre plus facilement à l'écran sur leurs ordinateurs. Il y a même une partie, donc ça c'était dans les locaux de chez Pixar. Et donc il y a même une partie, un petit groupe qui a été à Paris, en voyage, pour déguster en fait des plats. Et alors ils disent que c'était une super aventure évidemment, mais c'était assez douloureux aussi parce qu'il y a des chefs qui leur ont servi pratiquement 25 plats. Donc du coup, il faut tous les manger. C'est top chef là. C'est ça. Voilà, donc tous les manger, analyser voilà comment ça se présente. Et donc ça a été un gros gros challenge. Et franchement, je pense que c'est très réussi et ils ont bien fait de souffrir pour nous parce que c'est très très beau à la fin. Oui, c'est très très beau et ça donne toujours autant l'eau à la bouche. Oui. En tout cas, moi quand je vois Ratatouille, j'ai envie de la manger, cette fameuse Ratatouille servie à la fin du film. Merci Aurore. Pour conclure et nous projeter un petit peu dans les prochaines semaines avec notamment les vacances de Pâques, il y a toujours une multitude de films qui sortent sur ces périodes-là. Alors toi Aurore, t'as repéré un film qui sort donc tout bientôt là, le 9 avril. C'est ça. Du coup, c'est Zia Matar avec Ouais. Rami Malek, Laurence Fishburne, réalisé pardon, par James House. Alors, j'ai vu la bande-annonce, ça m'a un peu fait penser à Mr. Robot. Ah oui. Je sais pas si. Oui, oui, Voilà. oui. Oui, ça me parle. La série. Alors, du coup, c'est Charlie Heller, un cryptographe de la CIA aussi brillant qu'introverti, voit son existence basculer lorsque sa femme décède durant une attaque terroriste perpétrée à Londres. Déplorant l'inaction de sa hiérarchie, il prend alors l'affaire en main et se met à la recherche des assassins, embarquant pour un dangereux voyage partout à travers le monde pour assouvir sa vengeance. Oh là là, waouh! Alors là, le pitch, C'est là, ça, c'est c'est très un bon américain, thriller ça. américain dramatique, voilà, avec évidemment la CIA. Mais Ça va oui. être... Et puis Rami Malek est très très bon dans ce genre de rôle. Voilà, Mr. Bot, où il était excellent. Voilà, ça fait toujours plaisir de le voir là-dedans. Ouais, pourquoi pas. Et puis Laurence Fishburne, c'est pareil, c'est un Oui, acteur sympa, enfin. c'est un Ouais. des grands acteurs de Ouais, second ouais, rôle ouais. qu'on Oui. adore toujours. Ouais. On sait que c'est un film de qualité quand il est dedans, ouais. Ouais, ouais, C'est ouais. toujours Non, intéressant. et puis le sujet, pourquoi pas? Enfin, après, bon, je pense que le film ne va pas sortir d'un sentier battu, mais si c'est bien fait, Oui, pourquoi c'est pas? toujours très intéressant. Voilà. Alors moi, je me projette un petit peu plus, donc c'est la semaine suivante, le 16 avril, c'est le film Sinners de Ryan Coogler, qui avait notamment réalisé Black Panther et Creed, et d'ailleurs, qui retrouve son acteur fétiche Michael B. Jordan. Donc c'est deux jumeaux, Elijah et Elias, qui reviennent dans leur ville natale et essaient de laisser leur passé trouble derrière eux, mais ils découvrent alors qu'une menace encore plus grande les y attend. À force de danser avec le diable, un bon jour, il viendra te chercher toi. Donc là, on est clairement sur un film horrifique. Voilà, film d'action, horreur. Voilà, au vu de la bande-annonce, ce sont des vampires, de ce que j'ai cru voir. Donc ça, je sais plus à quelle année ça se passe, mais je crois pas que c'est à notre époque, si je ne dis pas de bêtises. Il y a un beau casting, hein. Il y a Ellie Stanfield, Jack O'Connell aussi, qui joue dedans. Alors là, clairement, oui, je pense qu'on s'attend à un film quand même assez dur, entre guillemets, assez bourrin. Puisque bon, on montre toujours bien la musculature de Michael B. Oui. Jordan. Voilà, on le voit dans la bande-annonce, parfois, voilà, en Marcel, avec une sulfateuse. Enfin bref, voilà, en mode guerrier, quoi. Oui, on sait pourquoi il est On là. sait pourquoi il est là. Mais en tout cas, ça a l'air, entre guillemets, d'être un très bon divertissement. Alors moi, Ryan Coogler, clairement, j'avais adoré Black Panther. Hein, je pense dans le MCU, ça sort un peu du lot quand même. C'était quand même bien. Pareil, Creed, je sais pas si tu les as vus, les Creed. Non, ils sont vraiment très qualitatifs aussi. Vraiment bien construits, bien faits, et c'est vraiment à voir aussi. Donc voilà, je croise les doigts, voilà, pour que ce film soit bien. Mais bon, je n'en doute pas, mais entre The Amateur et Sinners, à mon avis, il y a moyen de passer de bons moments au cinéma, en tout cas de pas s'ennuyer. Exactement. Nous arrivons à la fin de cet épisode. N'oubliez pas, allez voir, on ira. Je pense qu'il va rester encore un petit peu au cinéma, hein. Oui, je Ça a l'air pense. de bien Ouais, marcher. oui. Là, je crois qu'il est déjà à 500 000 entrées, quelque chose comme ça. Je sais pas s'il atteindra le million, mais avec les vacances, parfois, ça booste un petit peu les entrées en salle. Et puis, bah, nous, on se retrouve pour parler d'autres films, même si avec le beau temps, voilà, on n'a pas toujours envie d'aller s'enfermer en salle de cinéma. Mais bon, le temps va pas rester aussi beau, hein, donc voilà, vous allez pouvoir retourner dans les salles. Et puis, au pire, vous serez au frais. Ça fait du bien aussi, hein, Exactement. de profiter du frais des salles obscures. Merci, Aurore, et puis on se dit à très bientôt. Merci à toi. Ciao, bye bye. Thank you.